Donc, on continue ce matin. Quand j'ai commencé Philémon, je pensais que je ferais ça dans un matin. Mais là, c'est mon troisième. Et je suis bien heureux. Je suis bien heureux de continuer. C'est un petit livre qui nous amène tellement à comprendre c'est quoi l'amour chrétien. Mais en même temps, l'amour de Dieu aussi pour nous, parce que c'est le reflet de l'amour de Dieu pour nous. Commençons par la prière. Notre Père, quand nous lisons ce qu'était l'amour entre Paul et Philémon, ou l'amour de Philémon pour les croyants, ou l'amour de Paul pour Onésime, c'est pas leur amour que nous voyons, mais c'est ton amour pour eux et ton amour en eux. Donc, on découvre en même temps l'amour que tu as pour nous, tes enfants. Seigneur, aide-nous à aimer comme tu nous as aimés. Aide-nous à aimer non pas comme le monde aime, mais comme avec l'amour que tu nous as donné dans nos cœurs, par la puissance de cet esprit. Guide-nous encore une fois ce matin dans ces moments. Au nom de Jésus, amen. Donc, je résume. Paul est en prison, on pense à Rome. Il écrit une lettre à Philémon qui a conduit au Seigneur des années avant. Et la raison qu'il écrit une lettre à Philémon, c'est parce que pendant qu'il était là, il a conduit au Seigneur, un homme appelé Onésime, qui était là. On ne sait pas trop comment il est venu en contact avec Onésime. Je crois personnellement que Onésime s'est ramassé en prison. Soit qu'il a été découvert qu'il était un esclave en fuite, soit qu'il avait fait quelque chose de croche, parce qu'il était un esclave en fuite, il avait probablement des besoins pour travailler, ou il a peut-être volé, je ne sais pas quoi. Il y avait quelque chose. Ou ben non, peut-être qu'il était un serviteur qui travaillait dans les prisons. Il a connu Paul ainsi. Donc, Paul est un bel exemple pour nous de quelqu'un qui, dans les moments difficiles de la vie, il n'est pas aigri contre Dieu, mais il continue à parler de son bien-aimé Sauveur pendant qu'il est en prison. On l'a vu faire des actes des apôtres à multiples reprises. Et là, il va demander à Philémon de recevoir Onésime. Ça nous paraît facile, mais ce n'est pas si facile que ça. Si je vous demande de pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal, qui a fui, qui vous a privé de service, qui a peut-être fait toutes sortes de coups croches avant de partir, et qui a fait quoi que ce soit, mais qui était négatif, vous savez de quoi je parle. C'est jamais facile de pardonner à des gens qui nous ont fait du mal. Mais Paul ici, on a vu, il en appelle à Philémon, parce que Philémon a une belle réputation. Parce que ce Philémon-là aime le Seigneur Jésus et aime les enfants du Seigneur Jésus. Il les aime, premièrement, parce qu'il aime le Seigneur. Il les aime, ça se manifeste parce qu'il y a une église dans sa maison. Il les aime parce que sa réputation le précède, parce qu'il a une réputation de tranquilliser le cœur des enfants de Dieu. Donc, Paul va écrire cette lettre. Et dans cette lettre, on retrouve des principes sur l'amour chrétien. On a vu ensemble, l'amour chrétien en appelle à l'amour et non pas à l'autorité. Tu veux quelque chose de quelqu'un? Compte sur le fait qu'il aime le Seigneur Jésus. Compte sur le fait qu'il aime Dieu, qu'il aime déjà les enfants de Dieu. Parce que lui-ci, il est un chrétien. Lui-ci aime Dieu. Lui-ci aime les enfants de Dieu. Lui-ci a l'Esprit de Dieu en lui. Qu'il aime à aimer le maître et les enfants du maître. Donc, on en appelle à l'amour. Ça, c'est, si j'ai l'amour, j'appelle à l'amour. Si j'ai l'amour, je laisse la liberté. Je ne force pas les gens à faire ce que je veux. Oh, qu'on est égoïste. Et l'égoïsme, c'est le contraire de l'amour. L'égoïste demande, en appelant des fois à toutes sortes de vérités bibliques, on veut que les autres fassent de quoi? Parce que ça va nous faire du bien à nous. On veut. Des fois, je vois dans les églises qu'on veut que les chrétiens s'impliquent dans un ministère. Et j'ai le sentiment, en tout cas, je ressens que c'est pas pour moi qu'on veut. On veut parce qu'on veut que le ministère fonctionne, on veut parce qu'on veut que les choses fonctionnent dans l'Église, et on en appelle à, qu'on s'implique, mais on ne ressent pas que c'est qu'on en appelle à mon amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'on me laisse la liberté. J'ai l'impression que des fois, on me fait sentir coupable si je ne m'implique pas, si je ne le fais pas. Mais laissons la liberté aux gens. L'amour en appelle à l'amour, et l'amour laisse la liberté. Et on a vu que l'amour cherche le bien-être de l'autre, cherche l'avantage de l'autre dans la requête. Est-ce que dans la requête que je fais, je cherche ton avantage? Je sais que ça va te faire du bien à toi. C'est pour ça que je le demande. Paul, en demandant à Philémon de recevoir Onésime, il recherche l'avantage d'Onésime et l'avantage de Philémon. Il sait que leur vie va être meilleure s'ils se réconcilient. S'ils se réconcilient, leur vie va être meilleure, ils vont avoir une qualité de vie, si je peux dire de ça, meilleure, ils vont être capables de faire la gloire de Dieu d'une meilleure façon. Parce que en pardonnant à Onésime et en revenant de son plein gré servir le maître, quel témoignage ils vont donner autour d'eux autres, dans la maison d'Onésime, de Philémon. Quel impact Onésime va avoir auprès des autres esclaves du fait qu'il revient auprès de son maître volontairement pour demander pardon à son maître. Donc, Paul recherche l'avantage d'Onésime, l'avantage de Philémon, et il croit que ceci va faire avancer la cause de Christ qu'on a vu au chapitre, au verset 4 ou 5. Il dit, je prie que ce que tu fais fasse avancer la cause de Christ. Et je crois qu'en demandant cela, ça va, je crois que Paul croit que ça va faire avancer la cause du Seigneur. Voyez-vous? Et donc, quand je fais une requête, je recherche l'avantage des autres. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour chrétien. Pas toujours ça que je fais. Je vous le dis, c'est pas toujours ça que je fais. Mais c'est toujours ça qu'on devrait faire pour la gloire de Dieu. Verset 17, maintenant. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou qu'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je te dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous êtes rendus grâce à vos prières. Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue. Ainsi que Marc, Aristarque et Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Donc, au verset 17, il dit, si tu me tiens pour ton ami, l'amour, j'ai remarqué que l'amour en appelle à l'amitié. Est-ce que tu me vois comme quelqu'un qui t'aime? Parce que l'amitié, c'est ça. L'amitié, c'est quoi? Si je dis c'est mon ami, qu'est-ce que je veux dire? Ben, je crois que cette personne-là m'aime. C'est ça qu'on appelle un ami. Un ami, c'est quelqu'un qui croit que je l'aime, que je veux son bien. Paul dit, j'en appelle à toi, parce que je crois que tu crois que je suis ton ami. Je crois que tu crois que je t'aime. Paul dit, je crois que toi, Philémon, que tu aimes les enfants de Dieu. Et Onésime est devenu un enfant de Dieu. Et je crois que toi, tu vas aimer maintenant Onésime. Et je crois que toi, tu m'aimes. C'est pour ça que je te fais la requête. Si je savais que tu avais quelque chose contre moi, je ne te ferais pas cette requête-là. Mais je crois que tu sais que je t'aime. C'est pour ça que je fais cette requête-là. Si tu ne crois pas que je suis ton ami, oublie ma requête. Oublie ma requête. Donc, avant de faire la requête à l'autre, on doit voir si l'autre croit que je l'aime, que je le fais parce qu'il est mon ami. et que je suis son ami. Avant de demander à quelqu'un d'autre dans l'Église ou dans nos relations entre frères et sœurs, est-ce que l'autre me perçoit comme son ami? Est-ce que ma relation avec lui est correcte là? Si elle n'est pas correcte, je devrais régler ça avant de faire ma requête. Il me semble que c'est logique et ça fait du bon sens. Et j'ai marqué sur ma feuille, l'amour donne avant de recevoir. Paul il dit, s'il te doit quelque chose, s'il t'a fait du tort, je vais payer. Finalement, je vais payer. Il a brisé quelque chose avant de partir, je vais payer. Mais je vais venir te voir. L'amour donne avant. Il dit à Philémon, je t'ai donné, Philémon. J'ai donné à Onésime. J'ai investi ma vie en vous. J'ai investi mon temps en vous. Il a peut-être investi même sa santé en eux. Il a peut-être mis sa vie en danger pour les conduire au Seigneur. Mais il dit, s'il te doit quelque chose, moi je suis prêt à payer. Donc l'amour donne bien avant d'exiger quoi que ce soit. Si tu crois, si tu veux demander quelque chose à quelqu'un, si on veut demander quelque chose à quelqu'un, et qu'on n'est pas sûr comment ça, la relation, comment ça marche, commençons donc par donner à cette personne. Avant de faire une requête, commençons donc par donner. Vous allez voir, la réponse va être beaucoup plus facile et va être beaucoup plus ouverte et manifester l'amour de l'autre aussi. C'est pour ça que si on aime les inconvertis avant de leur témoigner, c'est plus facile. C'est pour ça que si je fais du bien à quelqu'un, l'apôtre Paul va le dire autrement, il va dire, c'est des charbons ardents que je mange sous sa tête. Si je fais du bien à celui qui me fait du mal, je commence par l'aimer avant de lui demander de faire quelque chose. Donc l'amour chrétien donne avant de demander. Et là, une autre chose ici très importante, au verset 20. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage. Et le mot avantage, là, pourrait être traduit faveur. Fais-moi cette faveur-là ou cette grâce-là. L'amour, écoutez bien ça, c'est important. L'amour chrétien sait que l'autre n'est pas obligé de faire ce qu'on demande. Et s'il le fait, il nous fait une grâce. Tu demandes quelque chose à un frère, à une sœur, à un conjoint qui est ton frère dans la foi? Ou ta sœur dans la foi? S'il le fait, il te fait toujours une grâce. Il n'est pas obligé de faire ce que tu dis. Oh, si tu me dis que le Seigneur me demande de faire de quoi, je suis obligé de faire ce que le Seigneur me demande. Mais si moi je te demande de faire de quoi, comme ici, reçois Onésime, je ne suis pas obligé. Je sais que je ne veux pas que ça soit que tu sentes que je t'oblige. Si tu ne fais pas, je vais être heureux. Si tu ne me le renvoies pas, Onésime, je vais être heureux quand même. C'est une faveur que je te demande. Une faveur, c'est pas obligé. L'amour n'exige pas. L'amour demande, mais elle sait c'est une faveur qu'elle demande. Elle sait qu'elle ne mérite pas. J'ai déjà demandé à quelqu'un, crois-tu que tu mérites que je t'aime? Pensez-vous que les gens, vous méritez que les gens vous aiment? Oh, frère et sœur, en tant qu'humain, on croit ça 100%. C'est pour ça qu'on est si frustré quand ils ne nous aiment pas. Mais est-ce que pécheur, on dit qu'on est pécheur, on sait qu'on blesse, on sait qu'on outrage, on sait qu'on manipule, on sait qu'on est égoïste, on sait qu'on est pécheur. On ne mérite pas d'être aimé, ni par Dieu, ni par qui que ce soit. Dieu nous demande d'aimer les uns les autres. Mais tu ne peux pas me dire, François, tu dois m'aimer, hein? Une fois, j'avais demandé à un couple qui avait bien des problèmes, et un dans le couple m'a dit, mon conjoint ne m'aime pas. J'ai demandé, est-ce que tu crois que tu mérites qu'il t'aime? Et la réponse a été instantanée, ben oui. Voilà. Voilà. Paul dit, je te demande une faveur, Philémon. Je te demande une faveur. Tranquillise mon cœur. Tranquillise mon cœur. En me faisant une faveur. Je sais que je ne mérite pas ce que je te demande. Mais fais-moi une faveur. Au verset 21, il y a une autre vérité là qui dit l'amour va faire plus que l'autre, ce que l'autre va demander. Ou crois que l'autre va aller même au-delà de ce qu'on demande. Paul il dit c'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je te dis. Si je fais ce que tu me demandes et que c'est pas, je ressens pas ton amour et j'ai pas, je veux pas le faire, je me sens obligé de le faire, je vais faire juste ce que tu me demandes. L'amour va faire plus que l'autre va demander. Et quand moi je demande, et je demande par amour, et je sais que l'autre a de l'amour pour moi, je m'attends à ce qu'il va même aller au-delà, peut-être, de ce que j'ai demandé. Et en dernier point, l'amour prie. Paul, il demande à Philémon, prépare-moi un logement. Je pense que, on peut pas avoir une conviction profonde si Paul savait que bientôt, il y avait déjà une date de fixer. Il était sûr, on lui avait dit qu'il partirait. Mais, ou bien non, s'il y a juste, il espère, mais s'il ne sera pas sûr, il ne demandera pas de préparer un logement. Pourquoi préparer un logement si tu n'es même pas sûr de partir? Mais je crois qu'il est assez sûr pour demander, prépare-moi un logement. Je crois que je vais être relâché grâce à vos prières. Paul sait que l'Église et Philémon prient pour lui. L'amour prie. Si tu aimes quelqu'un, tu vas prier. L'amour, la prière, excusez, est je dirais, une des plus grandes manifestations de l'amour que j'ai pour quelqu'un. L'amour, là, on voit, ça va être la Saint-Valentin, dans pas grand temps, et les gens vont essayer de se manifester de l'amour. Le lendemain de la Saint-Valentin, vous savez comme moi que la vie va juste continuer comme avant. Mais, quand j'aime quelqu'un, je vais prier pour lui. Ah, c'est sûr. C'est la chose la plus grande que je ne peux pas faire pour lui. Quand je prie pour quelqu'un, je manifeste de l'amour. Paul dit, Philémon, je sais que toi et l'Église, vous priez pour moi. Et j'espère que je vais être libéré. Donc, préparez-moi un logement. Je m'en viens bientôt. Je m'en viens bientôt. Prions les uns pour les autres dans l'Église. Prions. Quand nous sommes au courant de ce que les autres vivent, prions les uns pour les autres. Il serait assez dur de dire « j'aime les frères et sœurs » mais je ne prie pas pour les frères et sœurs. L'amour chrétien est bien différent de l'amour du monde. Je vais terminer en lisant ce que Paul a dit au verset 25. Mes frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Notre Père du ciel, Merci de nous avoir donné quelques enseignements, quelques principes qui nous donnent de comprendre mieux c'est quoi l'amour. D'abord, ce que ton amour est pour nous, ce que notre amour à nous est pour ceux qui nous entourent. Et aussi, de croire que les autres qui sont autour de nous, qui sont aussi tes enfants, vont nous aimer avec ce genre d'amour-là. On va s'attendre qu'ils vont agir de même, et les autres, ils vont s'attendre que nous, on va agir de même envers eux. De par ton esprit, parce que sans cet esprit-là, on ne peut pas, mais que par ton esprit, nous puissions être un reflet de l'amour de Dieu dans nos relations les uns avec les autres. Amen.